Homère, l'Odyssée, chant 11. Étant arrivés à la mer, nous traînâmes d'abord notre nef à la mer divine. Puis, ayant dressé le mât avec les voiles blanches de la nef noire, nous y portâmes les victimes offertes. Et nous-mêmes nous y prîmes place, pleins de tristesse et versant des larmes abondantes. Et Circé, à la belle chevelure, déesse terrible et éloquente, fit souffler pour nous un vent propice derrière la nef à proue bleue, et ce vent, bon compagnon, gonfla la voile. Toutes choses étant mises en place sur la nef, nous nous assîmes, et le vent et le pilote nous dirigeaient. Et tout le jour, les voiles de la nef qui couraient sur la mer furent déployées, et Hélios tomba, et tous les chemins s'emplirent d'ombre. Et la nef arriva aux bornes du profond océan. Là étaient le peuple et la ville des Cimériens, toujours enveloppés de brouillard et de nuées, et jamais le brillant Hélios ne les regardait de ses rayons, ni quand il montait dans l'Ouranos étoilé, ni quand il descendait de l'Ouranos sur la terre. Mais une affreuse nuit était toujours suspendue sur les misérables hommes. Arrivés là, nous arrêtâmes la nef, et après en avoir retiré les victimes, nous marchâmes le long du cours d'océan, jusqu'à ce que nous fussions parvenus dans la contrée que nous avait indiquée Circé. Et Périmédès et Eurylochos portaient les victimes. Alors je tirai mon épée aiguë de sa gaine, le long de ma cuisse, et je creusai une fosse d'une coudée dans tous les sens, et j'y fis des libations pour tous les morts, de lait mielleux d'abord, puis de vin doux, puis enfin d'eau, et par-dessus je répandis la farine blanche. Et je priai les têtes vaines des morts, promettant, dès que je serai rentré dans Ithaque, de sacrifier dans mes demeures la meilleure vache stérile que je posséderai, d'allumer un bûcher formé de choses précieuses, et de sacrifier à part au seul Tirésias un bélier entièrement noir, le plus beau de mes troupeaux. Puis, ayant prié les générations des morts, j'égorgeai les victimes sur la fosse, et le sang noir y coulait, et les âmes des morts, qui ne sont plus, sortaient en foule de l'érèbe. Les nouvelles épouses, les jeunes hommes, les vieillards qui ont subi beaucoup de maux, les tendres vierges ayant un deuil dans l'âme, et les guerriers aux armes sanglantes, blessés par les lances d'airain, tous s'amassaient de toutes parts sur les bords de la fosse, avec un frémissement immense. Et la terreur pâle me saisit. Alors j'ordonnai à mes compagnons d'écorcher les victimes qui gisaient égorgées par les reins cruels, de les brûler et de les vouer aux dieux, à l'illustre Hadès et à l'implacable Perséphone. Et je m'assis, tenant l'épée aiguë tirée de sa gaine le long de ma cuisse. Et je ne permettais pas aux têtes vaines des morts de boire le sang avant que j'eusse entendu Tirésias. La première vint l'âme de mon compagnon Elpénor. Et il n'avait point été enseveli dans la vaste terre, et nous avions laissé son cadavre dans les demeures de Circé, non pleuré, et non enseveli, car un autre souci nous pressait. Et je pleurai en le voyant, et je fus plein de pitié dans le cœur, et je lui dis ces paroles ailées. Elpénor, comment es-tu venu dans les épaisses ténèbres? Comment as-tu marché plus vite que moi sur la nef noire? Je parlai ainsi, et il me répondit en pleurant. Divin Laertiade, subtil Odysseus, la mauvaise volonté du Daimon et l'abondance du vin m'ont perdu. Dormant sur la demeure de Circé, je ne songeais pas à descendre par la longue échelle, et je tombai du haut du toit, et mon cou fut rompu, et je descendis chez Hadès. Maintenant, je te supplie, par ceux qui sont loin de toi, par ta femme, par ton père qui t'a nourri tout petit, par Télémaque, l'enfant unique que tu as laissé dans tes demeures. Je sais qu'en sortant de la demeure d'Hadès, tu retourneras sur ta nef bien construite, à l'île d'Ayaïe. Là, ô roi, je te demande de te souvenir de moi, et de ne point partir me laissant non pleurer et non enseveli, de peur que je ne te cause la colère des dieux, mais de me brûler avec toutes mes armes. Élève sur le bord de la mer écumeuse le tombeau de ton compagnon malheureux. Accomplis ces choses afin qu'on se souvienne de moi dans l'avenir, et plante sur mon tombeau l'aviron dont je me servais quand j'étais avec mes compagnons. Il parla ainsi, et lui répondant, je dis. Malheureux, j'accomplirai toutes ces choses. » Nous nous parlions ainsi tristement, et je tenais mon épée au-dessus du sang, tandis que de l'autre côté de la fosse mon compagnon parlait longuement. Puis arriva l'âme de ma mère morte, d'Anticléa, fille du magnanime Autolycos, que j'avais laissée vivante en partant pour la Sainte Ilios. Et je pleurai en la voyant, le cœur plein de pitié. Mais, malgré ma tristesse, je ne lui permis pas de boire le sang avant que j'eusse entendu Tirésias. Et l'âme du Thébain Tirésias arriva, tenant un sceptre d'or, et elle me reconnut, et elle me dit « Pourquoi, ô malheureux, ayant quitté la lumière de Hélios, es-tu venu pour voir les morts et leur pays lamentable? Mais recule de la fosse, écarte ton épée, afin que je boive le sang, et je te dirai la vérité. » Il parla ainsi, et en me reculant, je remis dans la gaine mon épée au clou d'argent. Et il but le sang noir, et alors, l'irréprochable divinateur me dit « Tu désires un retour très facile, illustre Odysseus, mais un dieu te le rendra difficile, car je ne pense pas que celui qui entoure la terre apaise sa colère dans son cœur, et il est irrité parce que tu as aveuglé son fils. Vous arriverez cependant, après avoir beaucoup souffert, si tu veux contenir ton esprit et celui de tes compagnons. » En ce temps, quand Anaxolide aura abordé l'île Trinakié, où vous échapperez à la sombre mer, vous trouverez là, paissant, les bœufs et les gras troupeaux de Hélios, qui voient et entendent tout. Si vous les laissez sains et saufs, si tu te souviens de ton retour, vous parviendrez tous dans Ithaque, après avoir beaucoup souffert. Mais si tu les blesses, je te prédis la perte de ta nef et de tes compagnons. Tu échapperas seul, et tu reviendras misérable, ayant perdu ta nef et tes compagnons. Sur une nef étrangère. Et tu trouveras le malheur dans ta demeure, et des hommes orgueilleux qui consumeront tes richesses, recherchant ta femme et lui offrant des présents. Mais, certes, tu te vengeras de leur outrage en arrivant. Et après que tu auras tué les prétendants dans ta demeure, soit par ruse, soit ouvertement avec les reins aigus, tu partiras de nouveau, et tu iras portant un aviron léger, jusqu'à ce que tu rencontres des hommes qui ne connaissent point la mer, et qui ne salent point ce qu'ils mangent, et qui ignorent les nefs aux proues rouges, et les avirons qui sont les ailes des nefs. Et je te dirai un signe manifeste qui ne t'échappera pas. Quand tu rencontreras un autre voyageur qui croira voir un fléau sur ta brillante épaule, alors plante l'aviron en terre et fais de saintes offrandes au roi Poséidon, un bélier, un taureau et un verra. Et tu retourneras dans ta demeure, et tu feras, selon leur rang, de saintes hécatombes à tous les dieux immortels qui habitent le large Ouranos. Et la douce mort te viendra de la mer, et te tuera consumée d'une heureuse vieillesse, tandis qu'autour de toi, les peuples seront heureux. Et je t'ai dit, certes, des choses vraies. » Il parla ainsi, et je lui répondis. « Tirésias, les dieux eux-mêmes sans doute ont résolu ces choses, mais dis-moi la vérité. Je vois l'âme de ma mère qui est morte. Elle se tait et reste loin du sang, et elle n'ose ni regarder son fils ni lui parler. Dis-moi, ô roi, comment elle me reconnaîtra? » Je parlai ainsi, et il me répondit. « Je t'expliquerai ceci aisément. Garde mes paroles dans ton esprit. Tous ceux des morts qui ne sont plus, à qui tu laisseras boire le sang, te diront des choses vraies. Celui à qui tu refuseras cela s'éloignera de toi. » Ayant ainsi parlé, l'âme du roi Tirésias, après avoir rendu ses oracles, rentra dans la demeure d'Hadès. Mais je restai sans bouger jusqu'à ce que ma mère fût venue et eût bu le sang noir. Et aussitôt elle me reconnut, et elle me dit en gémissant ces paroles ailées. « Mon fils, comment es-tu venu sous le noir brouillard, vivant que tu es? Il est difficile aux vivants de voir ces choses. Il y a entre celles-ci et eux de grands fleuves et des courants violents, l'océan d'abord qu'on ne peut traverser, à moins d'avoir une nef bien construite. Si, maintenant, longtemps errant, en revenant de Troie, tu es venu ici sur ta nef avec tes compagnons, tu n'as donc point revu Ithaque, ni ta demeure, ni ta femme. » Elle parla ainsi, et je lui répondis. « Ma mère, La nécessité m'a poussé vers les demeures d'Hadès afin de demander un oracle à l'âme du Thébain Tirésias. Je n'ai point en effet abordé ni l'Achaïe ni notre terre. Mais j'ai toujours erré, plein de misère, depuis le jour où j'ai suivi le divin Agamemnon à Ilios, qui nourrit d'excellents chevaux, afin d'y combattre les Troyens. Mais dis-moi la vérité, comment la Caire de la cruelle mort t'a-t-elle domptée? Est-ce par une maladie? Ou bien Artémis qui se réjouit de ses flèches t'a-t-elle atteint de ses doux traits? Parle-moi de mon père et de mon fils. Mes biens sont-ils encore entre leurs mains? Ou quelque autre parmi les hommes les possède-t-il? Tous, certes, pensent que je ne reviendrai plus. Dis-moi aussi les desseins et les pensées de ma femme que j'ai épousée. Reste-t-elle avec son enfant? Garde-t-elle toutes mes richesses intactes? Ou déjà l'un des premiers Achéens l'a-t-il emmenée? Je parlais ainsi, et aussitôt ma mère vénérable me répondit. Elle reste toujours dans tes demeures, le cœur affligé, pleurant et consumant ses jours et ses nuits dans le chagrin. Et nul autre ne possède ton beau domaine. Et Télémaque jouit tranquille de tes biens et prend part à de beaux repas comme il convient à un homme qui rend la justice, car tous le convient. Et ton père reste dans son champ, et il ne vient plus à la ville, et il n'a plus ni lit moelleux, ni manteau, ni couverture luisante. Mais, l'hiver, il dort avec ses esclaves dans les cendres près du foyer, et il couvre son corps de haillons, et quand vient l'été puis l'automne verdoyant, partout dans sa vigne fertile, on lui fait un lit de feuilles tombées, et il se couche là, triste, et une grande douleur s'accroît dans son cœur, et il pleure ta destinée, et la dure vieillesse l'accable. Pour moi, je suis morte, et j'ai subi la destinée. Mais Artémis, habile à lancer les flèches, ne m'a point tuée de ses doux traits dans ma demeure. Et la maladie ne m'a point saisie, elle qui enlève l'âme du corps affreusement flétri. Mais le regret, le chagrin de ton absence, illustre Odysseus, et le souvenir de ta bonté m'ont privé de la douce vie. Elle parla ainsi, et je voulus agiter dans mon esprit embrasser l'âme de ma mère morte. Et je m'élançai 3 fois, et mon cœur me poussait à l'embrasser, et 3 fois elle se dissipa comme une ombre, semblable à un songe. Et une vive douleur s'accrut dans mon cœur, et je lui dis ces paroles ailées. Ma mère, pourquoi ne m'attends-tu pas quand je désire t'embrasser? Même chez Hadès, nous entourant de nos chers bras, nous nous serions rassasiés de deuil. N'es-tu qu'une image que l'illustre Perséphone suscite, afin que je gémisse davantage? Je parlais ainsi, et ma mère vénérable me répondit. Hélas, mon enfant, le plus malheureux de tous les hommes, Perséphone, fille de Zeus, ne se joue point de toi. Mais telle est la loi des mortels quand ils sont morts. En effet, les nerfs ne soutiennent plus les chairs et les os, et la force du feu ardent les consume aussitôt que la vie abandonne les os blancs et l'âme vole comme un songe. Mais retourne promptement à la lumière des vivants, et souviens-toi de toutes ces choses, afin de les redire à Pénélope. Nous parlions ainsi, et les femmes et les filles des héros accoururent excitées par l'illustre Perséphone. Et elles s'assemblaient innombrables autour du sang noir, et je songeais comment je les interrogerais tour à tour. Et il me sembla meilleur dans mon esprit de tirer mon épée aiguë de la gaine le long de ma cuisse, et de ne point leur permettre de boire, toutes à la fois, le sang noir. Et elles approchèrent tour à tour, et chacune disait son origine, et je les interrogeai l'une après l'autre. Je vis d'abord Tyro, née d'un noble père, car elle me dit qu'elle était la fille de l'irréprochable Salmoneus, et la femme de Crétus, Aïoliade. Et elle aimait le divin fleuve Énipeus, qui est le plus beau des fleuves qui coulent sur la terre, et elle se promenait le long des belles eaux de l'Énipeus. Sous la figure de ce dernier, celui qui entoure la terre et qui la secoue, sortit des bouches du fleuve tourbillonnant, et une lame bleue, égale en hauteur à une montagne, enveloppa, en se courbant, le dieu et la femme mortelle. Et il dénoua sa ceinture de vierge, et il répandit sur elle le sommeil. Puis, ayant accompli le travail amoureux, il prit la main de Tyro et lui dit: Réjouis-toi, femme de mon amour. Dans une année, tu enfanteras de beaux enfants, car la couche des immortels n'est point inféconde. Nourris et élève-les. Maintenant, va vers ta demeure, mais prends garde et ne me nomme pas. je suis pour toi seul Poséidon qui ébranle la terre. Ayant ainsi parlé, il plongea dans la mer agitée, et Tyro, devenue enceinte, enfanta Péliès et Néléus, illustres serviteurs du grand Zeus. Et Péliès, riche en troupeaux, habita la grande Iaolcos, et Néléus la sablonneuse Pylos. Puis la reine des femmes conçut de son mari Aison, Phérès et le dompteur de chevaux Amitaor. Puis je vis Antiopée, fille d'Ésopos, qui se glorifiait d'avoir dormi dans les bras de Zeus. Elle en eut deux fils, Amphion et Zétos, qui les premiers bâtirent Thèbes aux sept portes et l'environnèrent de tours. Car ils n'auraient pu sans ces tours habiter la grande Thèbes malgré leur courage. Puis je vis Alcmène, la femme d'Amphitryon, qui conçut Héraclès au cœur de lion, dans l'embrassement du magnanime Zeus. Puis Mégare, fille de l'orgueilleux Créon, et qui eut pour femme Amphitryonade, indomptable dans sa force. Puis je vis la mère d'Oïdopos, la belle Épicastée, qui commit un grand crime dans sa démence, s'étant mariée à son fils. Et celui-ci, ayant tué son père, épousa sa mère, et les dieux révélèrent ses actions aux hommes. Et Oïdipus, subissant de grandes douleurs dans la désirable Thébée, commanda aux Cadméon, par la volonté cruelle des dieux. Et Épicastée descendit dans les demeures aux portes solides d'Hadès, ayant attaché, saisi de douleur, une corde à une haute poutre, et laissant à son fils les innombrables maux que font souffrir les érénies d'une mère. Puis je vis la belle Chloris, qu'autrefois Néléus épousa pour sa beauté, après lui avoir offert les présents nuptiaux. Et c'était la plus jeune fille d'Amphion, l'Aside, qui commanda autrefois puissamment sur Orchoménos, Minéienne et sur Pylos. Et elle conçut de lui deux beaux enfants, Nestor Chromios et l'orgueilleux Périclyménos. Puis elle enfanta l'illustre Péro, l'admiration des hommes qui la suppliaient tous voulant l'épouser. Mais Néléus ne voulait la donner qu'à celui qui enlèverait de Phylaké les bœufs au large front de la force iphicléenne. Seul un divinateur irréprochable le promit, mais la moire, contraire d'un dieu, les rudes liens et les bergers l'en empêchèrent. Cependant, quand les jours et les mois se furent écoulés, et que l'année achevée, les saisons recommencèrent, alors la force iphicléenne délivra l'irréprochable divinateur, et le dessein de Zeus s'accomplit. Puis je vis Lédée, femme de Tyndaros, et elle conçut de Tyndaros des filles excellents, Castor, dompteur de chevaux, et Polydeuces, formidable par ses poings. La terre nourricière les enferme encore vivants, et sous la terre ils sont honorés par Zeus. Ils vivent l'un après l'autre, et meurent d'eux-mêmes, et sont également honorés par les dieux. Puis je vis Iphimédéia, femme d'Aoléus, et qui disait s'être unie à Poséidon, et elle enfanta deux fils dont la vie fut brève, le héros Otos et l'illustre Éphialtès, et ils étaient les plus grands et les plus beaux qu'eussent nourri la terre féconde, après l'illustre Orion. Ayant 9 ans, ils étaient larges de 9 coudées, et ils avaient 9 brasses de haut. Et ils menacèrent les immortels de porter dans l'Olympe le combat de la guerre tumultueuse. Et ils tentèrent de poser l'Ossa sur l'Olympe et le Péléios boisé sur l'Ossa, afin d'atteindre l'Ouranos. Et peut-être eussent-ils accompli leur menace, s'ils avaient eu leur puberté. Mais le fils de Zeus qu'enfanta Leto aux beaux cheveux les tua tous deux, avant que le duvet fleurît sur leurs joues et qu'une barbe épaisse couvrit leur menton. Puis je vis Phédré, et Procris, et la belle Ariadné, fille du sage Minos, que Thésée conduisit autrefois de la Crète dans la terre sacrée des Athéniens. Mais il ne le put pas, car Artémis, sur l'avertissement de Dionysos, retint Ariadné dans Dié, entourée de flots. Puis je vus Mérié, et Climénée, et la funeste Eriphilée, qui trahit son mari pour de l'or. Mais je ne pourrai ni vous dire combien je vis de femmes et de filles de héros, ni vous les nommer avant la fin de la nuit divine. Voici l'heure de dormir, soit dans la nef rapide avec mes compagnons, soit ici, car c'est au Dieu et à vous de prendre soin de mon départ. » Il parla ainsi, et tous restèrent immobiles et pleins de plaisir dans la demeure obscure. Alors, arrêtée au bras blanc, parla la première. « Féaquien, que penserons-nous de ce héros, de sa beauté, de sa majesté et de son esprit immuable? Il est certes mon hôte, et c'est un honneur que vous partagez tous. Mais ne vous hâtez point de le renvoyer sans lui faire des présents, car il ne possède rien. Par la bonté des dieux, nous avons beaucoup de richesses dans nos demeures. » Alors, le vieux héros, Échénéus, parla ainsi, et c'était le plus vieux des Phéaquiens. « Ô amis, la reine prudente nous parle selon le sens droit. Obéissez donc. C'est à Alcinoos de parler et d'agir, et nous l'imiterons. » Et Alcinoos dit, « Je ne puis parler autrement, tant que je vivrai et que je commanderai aux Phéaquiens habiles dans la navigation, mais que notre hôte reste, malgré son désir de partir, et qu'il attende le matin, afin que je réunisse tous les présents. Le soin de son retour me regarde plus encore que tous les autres, car je commande pour le peuple. » Et le subtil Odysseus lui répondant, parla ainsi. « Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, si vous m'ordonniez de rester ici toute l'année, tandis que vous prépareriez mon départ, et que vous réuniriez de splendides présents, j'y consentirais volontiers, car il vaudrait mieux, pour moi, rentrer les mains pleines dans ma chère patrie. J'en serais plus aimé et plus honoré de tous ceux qui me verraient de retour dans Ithaque. » Et Alcinoos lui dit, « Ô Odysseus, certes, nous ne pouvons te soupçonner d'être un menteur et un voleur, comme tant d'autres vagabonds que nourrit la noire terre, qui ne disent que des mensonges dont nul ne peut rien comprendre. Mais ta beauté, ton éloquence, ce que tu as raconté, d'accord avec l'Aoïde, des mots cruels des Achéens et des tiens, tout a pénétré en nous. Dis-moi donc, et parle avec vérité, si tu as vu quelques-uns de tes illustres compagnons qui t'ont suivi à Ilios, et que la destinée a frappé là. La nuit sera longue encore, et le temps n'est point venu de dormir dans nos demeures. Dis-moi donc tes travaux admirables. Certes, je t'écouterai jusqu'au retour de la divine Éos, si tu veux nous dire tes douleurs. » Et le subtil Odysseus parla ainsi. « Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, il y a un temps de parler et un temps de dormir. Mais si tu désires m'entendre, certes, je ne refuserai pas de te raconter les misères et les douleurs de mes compagnons, de ceux qui ont péri auparavant, ou qui, ayant échappé à la guerre lamentable des Troyens, ont péri au retour par la ruse d'une femme perfide, après que la vénérable Perséphone eut dispersé çà et là les âmes des femmes. Survint l'âme pleine de tristesse de l'atride Agamemnon, et elle était entourée de toutes les âmes de ceux qui avaient subi la destinée et qui avaient péri avec lui dans la demeure d'Égiste. Ayant bu le sang noir, il me reconnut aussitôt, et il pleura en versant des larmes amères, et il étendit le bras pour me saisir. Mais la force qui était en lui autrefois n'était plus, ni la vigueur qui animait ses membres souples, et je pleurai en le voyant plein de pitié dans mon cœur. Et je lui dis ces paroles ailées. Atride Agamemnon, roi des hommes, comment la guerre de la dure mort t'a-t-elle dompté? Poséidon t'a-t-il dompté dans tes nefs en excitant les immenses souffles des vents terribles? Ou des hommes ennemis t'ont-ils frappé sur la terre ferme, tandis que tu enlevais leurs bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis? Ou bien que tu combattais pour ta ville ou pour tes femmes? Je parlais ainsi, et aussitôt il me répondit. Divin Laertiade, subtil Odysseus, Poséidon ne m'a point dompté sur mes nefs, en excitant les immenses souffles des vents terribles, et des hommes ennemis ne m'ont point frappé sur la terre ferme. Mais Égiste m'a infligé la guerre et la mort à l'aide de ma femme perfide. M'ayant convié à un repas dans la demeure, il m'a tué comme un bœuf à l'étable. J'ai subi ainsi une très lamentable mort. Et autour de moi, mes compagnons ont été égorgés comme des porcs aux dents blanches, qui sont tués dans les demeures d'un homme riche et puissant pour des noces, des festins sacrés ou des repas de fête. Certes, tu t'es trouvé au milieu du carnage de nombreux guerriers, entouré de morts dans la terrible mêlée. Mais tu aurais gémi dans ton cœur de voir cela, et nous gisions dans les demeures parmi les cratères et les tables chargées, et toute la salle était souillée de sang. et j'entendais la voix lamentable de la fille de Priam Cassandre, et que perfide Clytemnestre égorgeait auprès de moi. Et comme j'étais étendu mourant, je soulevai mes mains vers mon épée. Mais la femme aux yeux de chien s'éloigna, et elle ne voulut point fermer mes yeux et ma bouche au moment où je descendais dans la demeure d'Hadès. Rien n'est plus cruel, n'est plus impie qu'une femme qui a pu méditer de tels crimes. Ainsi, certes, Clytemnestre prépara le meurtre misérable du premier mari, bien qu'il la possédât, et je péris ainsi quand je croyais rentrer dans ma demeure, bien accueillie de mes enfants, de mes servantes et de mes esclaves. Mais cette femme, pleine d'affreuses pensées, couvrira de sa honte toutes les autres femmes futures, et même celles qui auront la sagesse en partage. Il parla ainsi et je lui répondis. Ô Dieu, combien certes Zeus, qui tonne hautement, n'a-t-il point haï la race d'Atrée à cause des actions des femmes? Déjà, à cause d'Hélène, beaucoup d'entre nous sont morts, et Clytemnestre préparait sa trahison pendant que tu étais absent. Je parlais ainsi, et il me répondit aussitôt. C'est pourquoi, maintenant, ne sois jamais trop bon envers ta femme, et ne lui confie point toutes tes pensées, mais n'en dis que quelques-unes et cache-lui-en une partie. Mais pour toi, Odysseus, ta perte ne te viendra point de ta femme, car la sage fille d'Icarios, Pénélope, est pleine de prudence et de bonnes pensées dans son esprit. Nous l'avons laissée nouvellement mariée quand nous sommes partis pour la guerre, et son fils enfant était suspendu à sa mamelle. Et maintenant celui-ci s'assied parmi les hommes, et il est heureux car son cher père le verra en arrivant, et il embrassera son père. Pour moi, ma femme n'a point permis à mes yeux de se rassasier de son fils, et m'a tué auparavant. Mais je te dirai une autre chose. Garde mon conseil dans ton esprit. Fais aborder ta nef dans la chère terre de la patrie, non ouvertement mais en secret, car il ne faut point se confier dans les femmes. Maintenant, parle et dis-moi la vérité. As-tu entendu dire que mon fils fut encore vivant, soit à Orchoménos, soit dans la sablonneuse Pylos, soit auprès de Ménélas dans la grande Sparte? En effet, le divin Oreste n'est point encore mort sur la terre. Il parla ainsi, et je lui répondis. Atride, pourquoi me demandes-tu ces choses? Je ne sais s'il est mort ou vivant. Il ne faut point parler inutilement. Et nous échangions ainsi de tristes paroles affligées et répandant des larmes. Et l'âme du Péléide Achille survint, celle de Patrocle et celle de l'irréprochable Antiloque, et celle d'Ajax, qui était le plus grand et le plus beau de tous les Achéens, après l'irréprochable Pélée. Et l'âme du rapide Achille me reconnut, et en gémissant, il me dit ces paroles ailées. « Divin Laertiade, subtil Odysseus, malheureux, comment as-tu pu méditer quelque chose de plus grand que tes autres actions? Comment as-tu osé venir chez Hadès, où habitent les images vaines des hommes morts? » Il parla ainsi, et je lui répondis. Ô Achille, fils de Pélée, le plus brave des Achéens, je suis venu pour l'oracle de Tirésias afin qu'il m'apprenne comment je parviendrai dans l'âpre Ithaque, car je n'ai abordé ni l'Achéée ni la terre de ma patrie et j'ai toujours souffert. Mais toi, Achille, aucun des anciens hommes n'a été, ni aucun des hommes futurs ne sera plus heureux que toi. Vivant, nous, Achéens, nous t'honorions comme un dieu, et maintenant tu commandes à tous les morts. Tel que te voilà, et bien que mort, ne te plains pas, Achille. » Je parlais ainsi et il me répondit. « Ne me parle point de la mort, illustre Odysseus. J'aimerais mieux être un laboureur et servir pour un salaire un homme pauvre et pouvant à peine se nourrir que de commander à tous les morts qui ne sont plus. Mais parle-moi de mon illustre fils. Combat-il au premier rang ou non? Dis-moi ce que tu as appris de l'irréprochable Pélée. Possède-t-il encore les mêmes honneurs parmi les nombreux Myrmidons? Ou le méprise-t-il dans Hélas et dans la Ptié, parce que ses mains et ses pieds sont liés par la vieillesse? En effet, je ne suis pas là pour le défendre sous la splendeur de Hélios, tel que j'étais autrefois devant la grande Troie quand je domptais les plus braves en combattant pour les Achéens. Si j'apparaissais ainsi, un instant, dans la demeure de mon père, certes je dompterais de ma force et de mes mains inévitables ceux qui l'outragent ou qui lui enlèvent ses honneurs. Il parla ainsi et je lui répondis. Certes, je n'ai rien appris de l'irréprochable Pélée, mais je te dirai toute la vérité, comme tu le désires, sur ton cher fils Néoptolème. Je l'ai conduit moi-même sur une nef creuse de l'île Skyros vers les Achéens au bel Cnémide. Quand nous convoquions l'agora devant la ville de Troie, il parlait le premier, sans se tromper jamais, et l'illustre Nestor et moi, nous luttions seuls contre lui. Toutes les fois que nous, Achéens, nous combattions autour de la ville des Troyens, jamais il ne restait dans la foule des guerriers ni dans la mêlée, mais il courait en avant, ne le cédant à personne en courage. Et il tua beaucoup de guerriers dans le combat terrible, et je ne pourrais ni les rappeler, ni les nommer tous tant il en a tué en défendant les Achéens. C'est ainsi qu'il tua avec les reins le héros Téléphide Eurypylos, et autour de celui-ci de nombreux Kétayens furent tués à cause des présents des femmes. Et Eurypylos était le plus beau des hommes que j'ai vus, après le divin Memnon. Et quand nous montâmes, nous, les princes des Achéens, dans le cheval qu'avait fait Épéios, c'est à moi qu'ils remirent le soin d'ouvrir ou de fermer cette énorme embûche. Les autres chefs des Achéens versaient des larmes, et les membres de chacun tremblaient, mais lui, je ne le vis jamais ni pâlir, ni trembler, ni pleurer. Et il me suppliait de le laisser sortir du cheval, et il secouait son épée et sa lance lourde d'airain en méditant la perte des Troyens. Et quand nous eûmes renversé la haute ville de Priam, il monta, avec une illustre part de butin, sur sa nef, sain et sauf, n'ayant jamais été blessé de l'airain aigu, ni de près ni de loin, comme il arrive toujours dans la guerre, quand Arès mêle furieusement les guerriers. Je parlais ainsi, et l'âme de l'Aïakide, aux pieds rapides, s'éloigna, marchant fièrement sur la prairie d'Asphodèle, et joyeuse, parce que je lui avais dit que son fils était illustre par son courage. Et les autres âmes de ceux qui ne sont plus s'avançaient tristement, et chacune me disait ses douleurs. Mais seule, l'âme du Télamoniade Ajax restait à l'écart, irritée à cause de la victoire que j'avais remportée sur lui, auprès des nefs, pour les armes d'Achille. La mère vénérable de l'Aïakide les déposa devant tous, et nos juges furent les fils des Troyens et Pallas Athéna. Plutôt Dieu que je ne l'eusse point emporté dans cette lutte qui envoya sous la terre une telle tête. Ajax, le plus beau et le plus brave des Achéens, après l'irréprochable Pélée. Et je lui adressai ces douces paroles. Ajax, fils irréprochable de Télamon, ne devrais-tu pas, étant mort, déposer ta colère à cause des armes fatales que les dieux nous donnèrent pour la ruine des Argiens? Ainsi, tu as péri, toi, qui étais pour eux comme une tour, et les Achéens ne t'ont pas moins pleuré que le Péléide, Achille. Et les Achéens ne t'ont pas moins pleuré que le Péléiade, Achille. Et la faute n'en est à personne. Zeus, seul, dans sa haine pour l'armée des Danaïens, t'a livré à la moire. Viens, ô roi, écoute ma prière, et dompte ta colère et ton cœur magnanime. Je parlais ainsi, mais il ne répondit rien, et il se mêla dans les rêves aux autres âmes des morts qui ne sont plus. Cependant, il m'eût parlé comme je l'eus parlé, bien qu'il fût irrité. Mais j'aimais mieux dans mon cher cœur voir les autres âmes des morts. Et je vis Minos, l'illustre fils de Zeus, et il tenait un sceptre d'or, et assis il jugeait les morts. Et il s'asseyait et se levait autour de lui pour défendre leur cause dans la vaste demeure d'Hadès. Puis je vis le grand Orion chassant dans la prairie d'Asphodèle les bêtes fauves qu'il avait tuées autrefois sur les montagnes sauvages en portant dans ses mains la massue d'airain qui ne se brisait jamais. Puis je vis Tityos, le fils de l'illustre Gaïa, étendu sur le sol et le long de neuf plâtres. Et deux vautours, des deux côtés, fouillaient son foie avec leur bec, et de ses mains ils ne pouvaient les chasser, car en effet, il avait outragé par violence Leto, l'illustre concubine de Zeus, comme elle allait à Pytho, le long du riant Panopeus. Et je vis Tantale, subissant de cruelles douleurs, debout dans un lac qui lui baignait le menton, et il était là souffrant de la soif et ne pouvant boire. Toutes les fois, en effet, que le vieillard se penchait dans son désir de boire, l'eau décroissait, absorbait, et la terre noire apparaissait autour de ses pieds, et un daimon la desséchait. Et des arbres élevés laissaient pendre leurs fruits sur sa tête, des poires, des grenades, des oranges, des figues douces et des olives vertes. Et toutes les fois que le vieillard voulait les saisir de sa main, le vent les soulevait jusqu'aux nuées sombres. Et je vis Sisyphe, subissant de grandes douleurs, et poussant un immense rocher avec ses deux mains. Et il s'efforçait, poussant ce rocher des mains et des pieds jusqu'aux faîtes d'une montagne. Et quand il était près d'atteindre ce faîte, alors la force lui manquait, et l'immense rocher roulait jusqu'au bas. Et il recommençait de nouveau, et la sueur coulait de ses membres, et la poussière s'élevait au-dessus de sa tête. Et je vis la force héracléenne, ou son image, car lui-même est auprès des dieux immortels, jouissant de leur repas, et possédant Hébé au beau talon, fille du magnanime Zeus et de Héra aux sandales d'or. Et autour de la force héracléenne, la rumeur des morts était comme celle des oiseaux, et ils fuyaient de toutes parts. Et Héraclès s'avançait, semblable à la nuit sombre, l'arc en main, la flèche sur le nerf, avec un regard sombre, comme un homme qui va lancer un trait, et un effrayant baudrier d'or entourait sa poitrine, et des images admirables y étaient sculptées, des ours, des sangliers sauvages, et des lions terribles, des batailles, des mêlées, et des combats tueurs d'hommes, car un très habile ouvrier avait fait ce baudrier, et m'ayant vu, il me reconnut aussitôt, et il me dit en gémissant ces paroles ailées. Divin Laertiade, subtil Odysseus, sans doute tu es misérable, et une mauvaise destinée te conduit, ainsi que moi, quand j'étais sous la clarté de Hélios. J'étais le fils de Cronion Zeus, mais je subissais d'innombrables misères, opprimé par un homme qui m'était inférieur et qui me commandait de lourds travaux. Il m'envoya autrefois ici pour enlever le chien Cerbère, et il pensait que ce serait mon plus cruel travail. Mais j'enlevais Cerbère, et je le traînais hors des demeures d'Hadès, car Hermès et Athéna aux yeux clairs m'avaient aidé. Il parla ainsi, et il rentra dans la demeure d'Hadès, et moi je restai là, immobile, afin de voir quelques-uns des hommes héroïques qui étaient morts dans les temps antiques. Et peut-être eussé-je vu les anciens héros que je désirais. Thésée, Péritos, illustres enfants des dieux. Mais l'innombrable multitude des morts s'agita avec un si grand tumulte que la pâle terreur me saisit, et je craignis que l'illustre Perséphone m'envoyât du Hadès la tête de l'horrible monstre gorgonien. Et aussitôt je retournai vers ma nef et j'ordonnai à mes compagnons d'y monter et de détacher le câble. Et aussitôt ils s'assirent sur les bancs de la nef et le courant emporta celle-ci sur le fleuve Océan à l'aide de la force des avirons et du vent favorable.